Le siècle de Louis XIV. Conçu vers 1732, publié en 1751, complété jusqu'en 1756, le siècle de Louis XIV repose sur un immense labeur de documentation de Voltaire, grandement facilité par sa fonction d'historiographe de Louis XV de 1744 à 1747. Et ce siècle de Louis XIV est encore aujourd'hui un livre important pour l'étude du XVIIe siècle. Avant de vous en lire les extraits que j'ai choisis pour vous, je dois vous lire des extraits de lettres que Voltaire écrivit au moment où il travaillait sur ce siècle de Louis XIV, car c'est une autre façon de découvrir encore Voltaire historien.